Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue à l'édition anglophone des Palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et on va écouter comme ça ensemble les 20 pièces anglophones les plus aimées et les plus appréciées des animateurs de C'est fou. À la semaine passée, le numéro 1 du côté anglophone, c'était Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mais avant ça, on a deux nouvelles entrées à entendre. Tout à l'heure, il va y avoir Los Campesinos avec We've Got Your Back de leur album Romance is Boring. En fait, tout de suite, il va y avoir ça. Hein? Et après ça, il y aura You Say Party, We Say Die avec Laura Palmer's Prom de leur album XXXX. Je te parle assez fou au 89 FM, mais on commence avec donc Los Campesinos. Ben oui, We've Got Your Back. On est là pour vous autres. On est là pour vous passer de la bonne musique. Tu sais? Hein? Ben oui. Toilet walls, and I've learned from these words of yours. Your feelings. Numéro 19. Nouvelle entrée. You Say Party, We Say Die avec Laura Palmer's Prom. Nouvelle entrée dans le palmarès anglophone ici sur C'est Fou 89.1 FM. Excellente pièce, si je peux m'exprimer ainsi, hein, de cette formation de la Colombie-Britannique. J'essaie de trouver le nom pour le... C'est quoi, c'est le giron? Gérant d'Assis, le mot qu'on utilise pour dire la place d'où les gens viennent, mettons, là. Comme un domaine villois ou un trifugien. Je sais pas, néo-colombien peut-être. Ou un colombo-britannique. Avant, c'était Los Campesinos avec We've Got Your Back de leur album Romance is Boring. Donc, ces deux pièces-là d'artistes qui ont déjà passé par les palmarès, mais qui sont de retour après une absence. Voilà. Alors, le prochain bloc, on va entendre Yukon Blonde et Charlotte Gainsbourg, les deux montent d'une place, mais on commence avec Baja Boulotre, qui est stable en 18e. Voici Gold Rush tout de suite. Au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Ah oui. Oui, oh, oui. Ah oui. C'est. To know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills there climbing on. You went up with an open heart when they found you it was all but cold. Those hounds they seemed so long. Capillary numéro 16. Blonde et Rather Be With You, stable en 16e position du palmarès anglophone. C'était précédé par Charlotte Gainsbourg et R.M. qui est aussi stable en 17e. Et même chose pour Baja Boulat en 18e avec Gold Rush de son album Heart of My Own. Vous êtes dans l'édition anglophone des palmarès, c'est fou. On se défie comme ça, comme par pur plaisir, là, comme c'est d'Adon. Je dirais que c'est d'Adon, c'est Guy d'Adon. Donc le top 20 des pièces les plus appréciées des animateurs de C'est Fou, c'est pas le top 20 des meilleures blagues de Mathieu Plante, ça c'est à Assemblage Requis qu'on trouve ça lundi au jeudi, 15h. Oui. Prochain bloc, on va entendre les formations Galactic et Airborne. Pas en fait, pas Galactic tout de suite, plus tard ça. Airborne et Tegan and Sarah, on débute avec Devil's Outrod et Mom in Jail, c'est stable en 15e position. Vous êtes au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. I'm a down, see my mom in jail. I'm a down, see my mom in jail. I'm a gonna see my mom in jail. Don't she kill my dad with a baseball bat? I'm a gonna see my mom in jail. Mm-hmm. numéro 14. Retour Airborne, Galactic et The Job dans les palmarès C'est fou, édition Anglo. Numéro 13. Yeah. Airborne in No Way But the Hard Way, en 13e position anglophone, ça monte de 7. C'était nouveau la semaine passée. Avant, on a entendu Tegan and Sarah avec Alligator qui descend de la 8e place. On a débuté avec Devil's Hot Rod et Mom in Jail, ça c'est stable en 15e. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. On se rend jusqu'au numéro 1, et je l'ai pas dit tant que ça aujourd'hui, mais le numéro 1 la semaine passée, c'était Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor. On va savoir si ça tient d'ici la fin. Mais avant ça, on continue. Hein. Les pièces se défilent les unes après les autres. Elles sont toutes super bonnes et logiquement, elles sont de plus en plus meilleures hein, parce que c'est un palmarès et on s'en va vers le numéro 1. C'est logique, logique au fait. Donc, il y a deux jobs tantôt, mais pour l'instant, voici Galactic et Boom Money au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Ou vos oreillettes Bluetooth, dépendamment. Numéro 11. so tired of your drink. Well, it all good when you're no fun. When you start to think. Job et problem. En position numéro 11, ça monte de 3 places. Et avant, c'était Galactic avec une pièce que j'adore, Bo Money. Ça monte de 7 places. C'est en 12e position anglophone. C'est sur leur album Yakame. Prochain bloc, ben, c'est position 9 et 10. On va voir Hunter Valentine tantôt avec The Stalker. Mais tout de suite, voici The Almost et Monster Monster. Au 89.1 FM, même 5 à 10. Monster. Stab. 1969. Elle crie. Quand elle crie, elle crie. T'sais. Elle est décidée. On vient d'entendre Hunter Valentine avec The Stalker en 9e position. Ça monte de 3. Et avant, il y avait The Almost avec Monster Monster. Un succès incroyable qui monte aussi de 3 places. C'est la pièce titre de leur plus récent album, Monster Monster. Ah, d'ailleurs, je me rappelais avec un bon ami ici, là, le gars des promos. j'aime ça l'appeler comme ça. Qu'il y avait une pièce de The Almost dans le bon vieux temps qui était sur le palmarès. Là. C'était tellement bon, ça, c'est The Sooner. On va le faire jouer d'ici la fin de l'émission. Donc, restez avec nous si vous voulez entendre ça, The Almost Tortue. Mais pour l'instant, on a un autre bloc de 2 pièces à entendre. Il va y avoir Zeus. Hein, oui, Zeus. Mais avant ça, voici Yes, Air et Ambling Hope. La pièce qui me met dans une ambiance. J'adore cette pièce-là. Ah oui. Voici la position numéro 8 du palmarès anglophone. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Now, kid, I know I haven't been a perfect man. Oh, Mash Mally was a formidable foe. But ending up was two, at least that's what I'm told. But if you learn one thing, you learn it well in two. You must give Mash just hell. They'll run, but they can't hide. You must pick up the Samson. Never mind what anybody else done. Stick up the Samson. Never mind what anybody else done. Stick up the Samson. Never mind what anybody else done. Stick up the Samson. At times, but your lows will have their complement of highs. And if anyone should cheat you, take advantage of or beat you, raise your head and wear your wounds with pride. You numéro 7. I don't believe you anymore. Zeus et Fever of the Time montent de deux places en septième position. Et avant, c'était Yes et Eux avec Emmeline Hope. Une pièce qui, je te tutoie, premièrement. Oui, d'accord, merci. Qui a l'air de faire l'unanimité. Hein. Je trouve que tout le monde a l'air d'aimer ça. C'est vraiment génial. Yes et Eux, ça descend de cinq places par contre. Mais bon, à un moment donné, il y a des choses qui montent, qui redescendent. Ça dépend des semaines. Ça pourrait remonter, ça. On sait jamais. Voilà, donc vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. On se rend jusqu'au numéro 1, qui était la semaine passée, Flight of the Conchords, avec Too Many Dicks on the Dance Floor. Pour l'instant, on est aux positions 5 et 6. Oui, tantôt, on va entendre The Pine Cones. Mais on débute avec la formation locale Madcaps. Voici Stone qui monte d'une place. Et ça se passe au 89.1 FM C'est Fou. Allez voir le cfou.ca pour voir le palmarès au complet et sur assemblagerequis.com pour télécharger les balados diffusion. Retour de Pine Cones, OK Go, Jet Set The Whale et Flight of the Conchords. Qui sera notre numéro 1? C'est les Palmarès C'est Fou édition Anglo. Numéro 5. We'll be right back. describe it. When she comes around, I almost lose my mind, but I try to hide it. Cones et la pièce Sage dans les Palmarès C'est Fou, édition anglo. Avant ça, c'était Madcaps avec Stone qui monte d'une place. C'était à la fin de la précédente demi-heure. Maintenant, on entre dans la dernière demi-heure de cette portion des Palmarès C'est Fou. On va se rendre jusqu'au numéro 1. Il nous reste les positions 4, 3, 2 et 1. Entendre, c'est la fin de la demi-heure. C'est beau à savoir comment je suis précis dans les choses comme ça. Hein. Kiwan, t'aimes ça de la précision? Toi, je le sais. T'es pas un gars qui tourne les coins ronds, ben là. De toute façon, c'est quand même dur d'être approximatif quand faut juste suivre la liste des chiffres en ordre décroissant. Décroissant. Mais bravo quand même là, pour l'effort. Ouais, pour ta rigueur à dire les chiffres dans le bon ordre. Ah, j'essaie, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si t'écoutais les Palmarès dans ce temps-là. Si tu l'écoutais, ben désolé, premièrement. Mais on faisait des émissions en concept une fois de temps en temps. Il y avait une émission où on faisait le désordre total. C'était vraiment position 12, 8, 4, puis 2. Puis c'était bien le fun. Ouais, je me souviens. Ouais, il y a des choses qu'on a faites comme ça, puis des fois on le regrette, mais en même temps. Ça arrive. Voici OK Go et WTF. Assume-toi, bâtard. Mets tes culottes. Attache la ceinture dans le bon trou. Attache la ceinture dans mon trou, c'est pas l'arrêt, c'est fou. Ça a été bon, ça. Jet et Kill in Action, KIA, position numéro 3, ça monte d'une place. Sur leur album Shock Rock, qui avance ça, une autre pièce qui monte d'une place, c'est WTF ou What the Fuck de Jet. Ça, c'est sur leur album Of the Blue Color of the Sky, album que j'écoute pas mal de ces temps-ci, puis je trouve ça vraiment bon. Je trouve que leur son a vraiment changé. C'est rendu, disons, salopard en arrière, là. Le OK Go. Oui, OK Go, ouais, ouais. C'est comme un petit peu sale, là, tu sais, distorsion de batterie. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je connais absolument rien en musique, sérieusement. Mais en tout cas, c'est sale. J'aime ça. Ça a changé beaucoup. C'était plus pop avant, je trouvais ça. Moins catchy un peu, celui-là. Beaucoup de pièces un petit peu plus calmes. Mais quand même, c'est bon et délicieux à écouter. Je connaissais pas trop leurs anciens albums, mais je connais pas trop celui-là non plus. Donc, finalement, j'ai absolument aucun commentaire à faire sur OK Go. Ben, c'est bien. C'est une chance que t'es là, finalement. Plaisir, monsieur. Hey. Donc, Iwan qui s'en vient avec moi tantôt pour Assemblage requis. Il va être avec nous aussi pour la portion extra sauce brune des palmarès. Donc, je dirais même que je suis là présentement. Là. Je dirais que t'es à peu près là présentement. Peut-être de corps, d'esprit un peu moins, mais bon... Comme d'habitude. Comme d'habitude, exactement. Ça te résume bien, je dirais. Ah! Il nous reste pas grand-chose à entendre dans les palmarès cette semaine. Il nous reste les positions 2 et 1. On va aller écouter tout de suite la position numéro 2. Too Many Dicks on the Dance Floor. Donc, c'est l'ancien numéro 1. Ça a changé de place. C'est triste, mais que voulez-vous? Trop de... sur le plancher de danse. À un moment donné, il faut qu'il te fasse saquer dehors par le bouncer. Hein? Bon. Donc, on écoute ça et on revient après pour faire des jeux de mots sur numéro 1. Ça te va? C'est bon. C'est ça. T'attends ça avec impatience. Je le sais. Ben oui. Je le sais. D'habitude, c'est pour ça que j'arrive après 14h30 pour pas t'entendre faire le jumeau. Déplacé, ça. Déplacé. Pas fier de toi, là. Sippin' on Bacardi, wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy, they're on the front of the army. The only booze I'll see tonight will be made up from origami. Tell the fellas, make it understood, it ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go, the dance floor bro-ho ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better odds, more broads, less rods. I can't do battles, get out of with the counter frauds. Too many men, too many boys, too many misters. Not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. La position numéro 2 et l'ancien numéro 1 du palmarès anglophone, c'est Too Many Dicks on the Dance Floor par Flight of the Conchords. C'est sur leur plus récent album I Told You I Was Freaky. Kevin, peux-tu me rappeler ce que tu me dis, ce dont tu m'accusais il y a à peine quelques secondes là? T'étais en train de me dire quoi que j'avais pas trouvé mon jeu de mots pour le numéro 1. Je me demandais si t'étais en train de le préparer justement. Ben, en fait, je présumais que tu le préparais la veille, le soir chez vous. C'est pas une émission scriptée, là, on est pas devant public ici là. C'est pas une sitcom, ça là. Non, mais quand même, là, hein, tes jeux de mots. Ben, si j'ai cherché puis j'ai inventé, je serais meilleur que ça. Ah oui? Je pense que... Ben, je t'encourage à le faire, d'abord. Ben, merci, c'est gentil. Est-ce que tu veux que je m'essaye quand même? Parce que ben oui, vas-y. Ça, ben, je veux pas mettre fin aux traditions ancestrales du palmarès, quand même. C'est là. Ça, ça a quand même commencé il y a au moins une demi-décennie, tout ça, là. Au moins. Les jeux de mots, donc, tu sais, il faut pas enlever quelque chose qui a autant de succès, là, je veux dire. C'est comme, tu sais, toi, t'avais tes dauphins dans le temps, tu sais, les dauphins, ils respectent les dauphins, là, tu t'es inventé ton enfant, oh, moi, je voulais les bras de dauphins, puis je voulais les pattes avec des plumes de dauphins, ça n'a pas de flux, ça n'a pas vraiment de flux. Ben, je parle, tu sais, toi, t'as des dauphins, moi, je veux les baleines. Baleines. C'est ce que la baleine m'a dit. Ma baleine m'a soufflé à l'oreille. Tu parlais pas de dauphins pour rien. C'est ça. Tu as des liens, moi. Okay. Très fort. C'était une baguette de magicien, là. Un vrai magicien. Un vrai magicien. On va t'appeler Mathieu Camille Plante. Mathieu Camille. Tu commences vraiment à ambitionner ces jeux de mots, mais ça marche pas, ça. Ben là, Camille. C'est pas moi le maître du jeu de mots ici. Là. Ça paraît. Et en première position. Évidemment, on expliquera les jeux de mots après. Hein? Les gens seront pas assez vite pour ça, là. C'était la position numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou, mais avant de dire le numéro 1, on fait évidemment un petit portrait, on brosse en portrait, hein? Comme dit l'expression surutilisée. Du top 5 anglophone. Des fois, je cherche ma phrase, où est-ce que j'ai commencé ma phrase? Je pars sur une autre affaire, puis je me dis, waouh, c'est quoi cette phrase-là? T'sais? Ça t'arrive-tu? J'ai oublié de quoi tu parlais. Voilà. Donc, position numéro 5, c'est The Pinecones avec Sage. En quatrième, OK Go avec WTF. En troisième, KIA ou Killed in Action de Jet. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Too Many Dicks on the Dance Floor par Flight of the Conchords. Et le numéro 1, on vient d'entendre, c'est Set the Whale avec Camilo the Magician. D'où les jeux de mots là, sur la baleine. Set the Whale, baleine, whale. Et puis Camilo, Camille. Ça, c'est tout ce que Kiwan a réussi à trouver, évidemment. Et, et The Magician comme dans Baguette. Voilà. Baguette, c'est aussi un sandwich. J'aurais pu sûrement faire quelque chose avec ça, mais ça aurait plus ou moins eu de lien direct. Ça a été un petit peu trop subtil, là. Pas s'emporter non plus. Ouais. Donc, voilà pour la partie numérotée des palmarès C'est fou d'aujourd'hui. Mais oui, on va passer à quelque chose que j'ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission. Hein, Kiwan n'était pas encore arrivé, mais on a entendu une pièce de The Almost, Monster Monster. Et là, François-Olivier Marchand, là, le gars des promos, comme on l'appelle en radio, là, le gars des promos, il nous disait que The Almost avait déjà été dans le palmarès. Donc, on va l'entendre « Say This Sooner ». Ça date du printemps 2007. On s'en va entendre ça tout de suite et on vient pour se dire au revoir. Bah là, c'est faux, 89 FM. Say This Sooner de leur album Southern Weather. C'était sur le palmarès C'est Fou anglophone au printemps de 2007. Voilà donc pour l'édition anglophone des palmarès C'est Fou. On va se retrouver dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent en direct le mercredi entre 13h et 15h avec la portion extra sauce brune. On va vous présenter entre autres quelques extraits du top 10 électronique. Les auditeurs du vendredi vont nous quitter pour aller rejoindre la version francophone des palmarès dans quelques minutes, à peine dans quelques instants. Je dirais compter les minutes jusqu'à l'arrivée des palmarès francophones. Et puis, c'est ça. Donc, à tantôt, ou pas, ou peut-être, dans le fond, c'est à tantôt pareil. C'est pas mal la seule fois où je pourrais juste dire à tantôt parce que ça s'applique dans les deux cas. Vous êtes assez fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou, assez fou. Hey, bon retour, c'est la portion extra sauce brune des palmarès, c'est fou. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, qui va être avec moi. Il va intervenir comme ça pendant la dernière demi-heure, comme il aime le faire une fois de temps en temps. Oui. Quand il y a quelque chose à dire. C'est rare. Donc, à tout à l'heure à 15h. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui dans ta sauce à poutine? Je suis méchant aujourd'hui, il me semble. Ouh. Non, c'est pas que je t'insulte pas mal pour rien. Ben non, non, pas particulièrement. Pas plus que d'habitude. Non, c'est ça, des fois c'est pire. Ah ouais, ok, bon. Donc, on va commencer par le bloc électronique, si ça vous dérange pas trop. Là, on va écouter quelques pièces tirées du top 10 électronique. Mais avant de les écouter, on va regarder ce qui se passe ailleurs dans ce top-là. En 9e position, il y a une nouvelle entrée, Free the Robots, avec Control-Alt-Delete. Moi, ça me fascine, j'ai hâte que ça monte juste pour pouvoir entendre ça. Le nom m'excite. Free the Robots, Control-Alt-Delete. C'est pas québécois, ça, Control-Alt-Delete? I don't know, mais ça, c'est le titre de l'album, donc je sais pas. Ouais. Ok, c'est le contrôle de le titre de l'album. Okay, la formation ou le projet Free the Robots. Bon. Cinquième position, nouvelle entrée pour l'album Everyone is a Ghost de Monster Movie. Et en quatrième, c'est Mind in a Box avec l'album Retro ou R-E-T-R-O, là, avec des points entre chaque cas. On va entendre les positions 3 et 2. Hein? Tantôt, il va y avoir Akido avec Playtime Reissue en deuxième stable. Mais on débute avec quelque chose qui remonte d'une place. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on a entendu, je dirais, en bon québécois, une couple de fois. Hein? Plusieurs fois. Un nombre certain de fois. Ici, dans les palmarès, c'est fou. Et même à l'assemblage requis, c'est Jaga Jazzist avec l'album One Armed Bandit. On va l'entendre, la pièce qui s'appelle Bannonfleur Overalt. De ce collectif norvégien Jaga Jazzist sur leur album One Armed Bandit en troisième position du palmarès de C'est Fou, électronique évidemment. Et ça se passe maintenant dans l'émission qui s'appelle elle aussi, les palmarès C'est Fou, mais sans l'extension top 10 électronique. C'est juste les palmarès C'est Fou. Là. Extra sauce brune. Ça ne changera pas d'influence du tapis non plus. On n'a pas de tapis, on avait du tapis ici avant, mais c'était tout taché. La position numéro 2 du palmarès électronique est occupée par Akido, le projet du Montréalais Kim Gaboury et son album qui occupe la deuxième position. En fait, c'est une réédition de son premier album Playtime qui est sorti à l'origine en 2004. Ça, c'est la pièce Monoculture. Avant, on a entendu la pièce Ballon Fleur Overalt du collectif norvégien Jagga Jazzist, tiré de l'album One Armed Bandit qui est à la troisième position de ce palmarès électronique. Si vous voulez connaître la position numéro 1, je peux pas vous la dire. Non, il va falloir écouter l'émission Le Vestibule, samedi soir à 21h, pour savoir ce que c'est. On va faire un petit tour dans les classiques des palmarès. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu de papillon avec l'histoire de pêche. On va s'écouter ça, et puis après ça, il y aura d'autres classiques qui vont s'en venir. Puis après ça, il va y avoir nous autres qui vont parler comme ça. Puis après ça, il va y avoir assemblage requis après une pub, tu sais. Après d'autres choses. On va être ensemble jusqu'à quoi? 17h, je dirais à peu près. Puis Kiwala va être là jusqu'à 18h, lui. Mm-hmm. Sans moi, par contre, ça va être comme un soulagement pour tout le monde, hein, je pense. Effectivement. C'est ce que je me disais. Donc, on va aller écouter des papillons tout de suite, c'est ça que t'as dit? C'est ça, des petits papillons, mais en fait, c'est l'artiste juste papillon. Ah, OK. Il est juste un papillon. Sûrement qu'il était, j'imagine, une chenille avant. Puis... 1, 2, 3... Pas le coup d'être sage. les Psycho Riders et la pièce Les Cafards, c'était numéro 1, ça en février 2008 au palmarès C'est fou. Avant ça, on a entendu Papillon avec Histoire de pêche qui était sur le palmarès au printemps 2007. Voilà pour ce beau petit bloc francophone de Classic Gold Hits, hein? Ou comme on devrait dire en français, peut-être des succès dorés classiques. Hein? Ouais, c'est pas aussi beau, par exemple. Mais bon. Maintenant, petite surprise, pourquoi pas, j'ai envie d'entendre un petit peu de Plastic Light. Ça, ça a fait son entrée sur le palmarès francophone en janvier 2005. On s'attend pas à ça, mais ça fait 5 ans de ça déjà, la pièce Général Midi. Te rappelles-tu de ça? Là? Oui, je m'en souviens. C'est Plastic Light, ça fait justement longtemps, puis c'est assez tranquille. Hein? Ouais. Je sais pas si eux se souviennent d'avoir été sur le palmarès, c'est fou. Bah. Je sais pas si ça existe encore pour vrai, Plastic Light. Là. Je pense qu'ils ont comme eu juste un album. Hein. Bonne question, envie. Je sais pas. Je sais qu'ils ont fait les larmes de robots, là. De choses. Ouais, de Normand Bratois. C'est ça, exactement. Ouais. Je pourrais pas te dire. Ouais, voilà. En tout cas. Je te dirais que leur page MySpace n'a pas été mise à jour depuis 2008, donc... On s'entend pour dire que MySpace est plus très populaire, ça. Rapport. OK, donc on écoute Général Midi de Plastic Light, et puis c'est ça. Puis vous êtes au palmarès, c'est fou. Et puis c'est au 89. Enfin. Non, par exemple, non, ça c'est une gaffe plus que d'autres choses. Ça arrive, ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, par exemple. Partie de la mauvaise pièce, là. C'est au moins des semaines, jours. Deux fois de suite, ça fait vraiment longtemps, par exemple. Je pense que c'est jamais arrivé. Ouais. J'aime ça. C'est beau. Parce que la prochaine fois que tu diras que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, là, que ça fait des semaines, moi, je vais me souvenir que tu l'as fait deux fois coller aujourd'hui, le 24 mars. Prends ça en note, là. C'est noté. Google Calendar, là. Je sais pas. Ah. Hey. Ça pourrait-tu aller mieux que ça? Ça, là. Pour une si bonne pièce, hey! Ah. La création artistique est une chose trop importante pour la laisser entre les mains de simples artisans. Liberté d'expression, voilà le cancer qui a envenimé, qui rage et qui détruira notre monde si nous n'agissons pas immédiatement. Nous devons faire cesser toute forme d'artisanat, et ce autant au niveau médical que littéraire. Personne n'est mieux placé que l'État pour déterminer la qualité et la pertinence des ouvrages. Les seules œuvres acceptées seront celles commandées, traitées et approuvées par la centrale d'approbation. Et quiconque s'aventurera à tenter d'écrire, de jouer ou même de redonner sans l'approbation de l'État sera aussitôt exterminé par les armées du général Midi. Marchons au pas, compagnons, tous unis, nous vaincrons les de la révolution. Redonner sans l'approbation de l'État. Avant tout Badou, Ménestrez et poète, ou bûcher suppôt de l'imagination. C'est tout fort. Plastic Light et General Midi, c'était une nouvelle entrée, comme je le disais, en janvier 2005 dans le palmarès de C'est fou. Et c'est pas mal la fin de cette édition ici, live en direct, comme ça, en 2010, là. Belle année, finalement. Une année comme une autre, mais qui débute une période de 10 ans qui va entre 10 et... Et 10 entre 10 et 20. Tu dis vraiment n'importe quoi. Oui, mais j'aime ça de même. Donc, voilà, on se retrouve tantôt avec Assemblage Requis, qui, Juan et moi, on va être là. On continue d'être là, présent sur place. Là, pas en direct d'un commerce ou rien, mais juste en direct de notre studio. T'sais. Non, parce qu'il y en a qui font ça en direct des commerces, comme à un moment donné. Là. Comme deux personnes qui passent. Là. En tout cas, bref. Aïe, ouais. C'est de même, ils font ça. Bon. Superbe fin d'émission aujourd'hui au Palmarès. Merci, oui. Oh, on a... non, on va se quitter avec un petit peu de Los Campesinos. C'est la pièce The Sea is a Good Place to Think of the Future. C'est vrai. C'est vrai. Ou encore un commerce vide. C'est aussi une bonne place pour penser au futur. Il y a tellement d'endroits propices à ça. Tout à fait. On se retrouve tantôt dans Assemblage Requis, Mathieu. Ouais, je vais essayer d'être moins pire dans Assemblage Requis, Mathieu. C'est supposé être de la qualité, Assemblage Requis. On l'annonce à 15h. C'est comme wow! T'sais. Ouais, va te prendre un café, ça va t'aider. C'est ça. Pas mal, c'est fou, c'est pas annoncé nulle part. Future is when you were sad to see, with the sword up to your ankle.